Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et pour ouvrir cette émission spéciale Année internationale de la lumière, rien de tel que de s'entretenir avec Robert Corriveau. Il est président de Photon Canada et un consortium qui regroupe les activités de recherche et industrielles du domaine de la photonique au Canada. Il est aussi, si on peut dire, le représentant de l'Année internationale de la lumière au Canada. C'est bien ça, Monsieur Corriveau? Bonjour, oui. Monsieur Corriveau. Bonjour. Oui, donc c'est bien ça, vous représentez ou vous êtes en quelque sorte le responsable de la mise en place de l'Année internationale de la lumière au Canada? Oui, exactement, c'est plus de publiciser les activités qui se passent un peu partout au Canada et informer les gens à l'international sur ce qui se passe au Canada en photonique. D'accord. Alors, d'ailleurs, comment on peut se demander, comment a été décidé que 2015 soit l'Année internationale de la lumière? Comment ça se passe? Moi, à l'UNESCO, c'est les organismes de physique et de photonique qui savent à quel point la photonique est importante dans le 21e siècle. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de démontrer à quel point la photonique a de l'impact, montrer ça aux gens pour que les gens comprennent que la photonique, il y en a partout, puis... c'est important et puis il y a énormément de futurs pour les jeunes, que les jeunes apprennent qu'il y a des carrières potentielles du côté photonique. C'est tout ça ensemble qui a fait que autant des compagnies que les chercheurs en photonique qui ont moussé la candidature de la lumière. Pour cette année-là. D'accord. Donc, comme vous êtes, vous devez faire rapport de toutes les activités concernant la lumière au Canada. Donc, il doit y en avoir plusieurs qui se préparent. Quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama? Jusqu'ici, au moins, ce qui est annoncé, on a plusieurs à Québec ici. On a eu la lumière sur l'art, sur la rue Cartier. Ah ben oui, c'est vrai. Et puis qui a été installée justement la semaine passée, qui est annoncée, qui va être là pour tout l'hiver. Et puis, c'est justement montrer la lumière, mais avec montrer l'art à l'aide de la lumière, ce qui est pas mal intéressant. Puis ça a été fait par Saint-Éthique, dans Montcalm. En février, on a l'Université Laval. Il y a deux chaires qui vont s'annoncer. C'est le cas. Oui, en fait, deux chaires, une chaire industrielle et une chaire d'excellence en photonique qui vont être annoncées. Il y aura un ministre invité, des présidents du CERSNG, etc. Donc, un bel événement pour faire la promotion de la lumière, de l'optique, dans un contexte plus académique, plus universitaire, mais il y aura d'autres activités, par exemple à l'automne, organisées par le regroupement des étudiants en photonique de l'Université Laval, qui vont faire un événement grand public pour justement expliquer comment la lumière, comment l'optique, la photonique interagit, même quand on ne le sait pas, là, intervient dans la vie de tous les jours. Alors, sinon, il y aura d'autres événements qui sont à définir encore. Mm-hmm. Donc, nous venons d'entendre Réal Vallée, donc, que je n'ai pas eu l'occasion de présenter, donc qui est directeur du Centre d'optique photonique et laser à l'Université Laval. Et puis, on a aussi les 24 heures de science qui vont être centrées sur la lumière. Et puis ça va être dans toute la province. On essaie d'identifier des activités qui vont permettre au public d'en apprendre plus sur la lumière, sur la photonique. On a aussi des activités qui se passent qui sont au printemps, cet hiver et au printemps, un peu partout. On a à Vancouver l'illumination d'une rue commerciale. On a la Calgary qui est sur... En astrologie, présenter l'astrologie. C'est pas exactement la lumière. Et puis on a à Sherbrooke, on va avoir une conférence sur la lumière artificielle, à quel point ça nuit dans la nuit pour justement en astronomie. Excusez le lapsus. Alors, et puis, on va en avoir d'autres qui s'ajoutent, là, mais on les annonce juste quand tout est confirmé. Oui, tout est confirmé. Il y a un calendrier où on peut les voir? Sur notre site Internet de Photon Canada, on a une place où on les indique tous. Puis ensuite, sur le site officiel de l'Année internationale de la lumière, qui est 2015... IEA, International Year of Light. Ça ne doit pas être trop difficile à trouver en tapant Année internationale. Exactement, de la lumière. Avec Google, ouais. C'est facile. Puis là, ils donnent toutes les activités qu'il y a au Canada et dans les autres pays aussi. Je pense qu'il faudrait aussi éclaircir un terme. On parle de photonique, vous employez ce mot-là, mais en fait, photonique, la lumière, l'optique, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que c'est la photonique dans le fond? La différence entre la photonique et la lumière, la lumière fait partie de la photonique, c'est que la lumière, c'est le rayonnement qui est visible à l'œil. Tandis que la photonique, ça inclut ça, mais une source, même le soleil, comme une source lumineuse, il envoie des rayons, un rayonnement visible, mais aussi ultraviolet, infrarouge, etc. Puis la photonique, c'est l'utilisation de tous ces rayonnements-là. Et puis le terme photonique, on parle aussi d'optique, mais les gens ont tendance à voir l'optique comme des lentilles ou des lunettes. Des loupes, c'est ça, oui. Et puis, tandis que la photonique, c'est un peu basé sur... comme l'électronique est basée sur l'électron, la photonique, c'est basé sur le photon, qui est le rayonnement, l'unité de rayonnement de la lumière. Puis, vous le disiez aussi, en introduction, l'Année internationale de la lumière a pour montrer a pour but de montrer toute la diversité des technologies qui utilisent les photons, justement. Donc, quelles sont toutes ces applications si variées? Ça ne sert pas juste à nous éclairer, bien sûr. Non, c'est ça. C'est sûr que on connaît l'impact du soleil sur l'humain, sur les plantes. On connaît, on est capable d'éclairer, donc de transformer de l'électricité en lumière, la lumière en électricité en photovoltaïque, etc. Mais il y a énormément d'autres applications. On a entre autres, communication optique. On sait que toutes les communications vidéo, Internet, etc., utilisent la fibre optique, qui utilise l'optique. On a les capteurs en fibre optique que vous allez entendre parler tantôt, qui est un autre domaine qui mesure la température, pression, les gaz toxiques, etc., toutes sortes d'applications du côté des capteurs. On a les lasers qui servent aussi pour couper, pour produire, pour faire de l'imprimerie laser. Alors, chirurgie dans les yeux? Oui, c'est ça. Justement, réparer ou corriger la vision. On a des pointeurs laser. On a si on va à l'épicerie, on a le système qui lit le code-barre, qui est un laser aussi. C'est vrai. Alors, c'est vraiment partout. Les compagnies devraient tout utiliser le laser, la photonique, des éléments de photonique. On a l'imagerie, l'imagerie, c'est aussi de la photonique. Donc finalement, ça a un impact assez important dans nos vies tout. Et sans s'en rendre compte, on utilise ces technologies. Oui. Et puis en plus, la tendance du côté microélectronique, c'est de mettre de la photonique dans le chip électronique pour justement accélérer la vitesse des chips. Et toutes ces technologies, donc que ce soit des lasers, des outils lasers en médecine, des capteurs, des fibres optiques, donc il y a tout un secteur industriel forcément qui s'attache à les développer, à les commercialiser. Comment se positionnent le Canada et le Québec en photonique? Est-ce que, d'ailleurs, la photonique que vous appelez la technologie du 21e siècle, donc comment se positionne le Canada? Au Canada, on a à peu près 400 entreprises en photonique. Et puis... distribué principalement à Québec et en Ontario. Et puis, mais c'est des petites et moyennes entreprises. On a à peu près 7% des entreprises qui sont plus que 250 personnes. Alors, la majorité, vraiment, sont des plus petites entreprises. Et c'est quand même 20 000 emplois, ce qui est raisonnable. Un marché de 4 milliards. Alors, c'est significatif. Ouais, et puis, c'est de l'exportation à 85 à 90%. Donc, ouais, c'est très significatif. Ouais. C'est un bon apport dans l'économie. Et puis, si on regarde au Québec, c'est à peu près une centaine d'entreprises qui se distribuent un peu partout. Mais à Québec même, près de 40 entreprises en photonique. Comme par exemple? On a Fizo, que vous allez entendre parler. On a Exfo, qui est en communication optique, système de test de communication. On a Teraction, qui est dans les modules, des composants en communication. On a... Optel, qui est du côté contrôle de qualité. On a Créaform, qui s'occupe de l'imagerie 3D. Alors, on a plusieurs compagnies ici qui est en bon démarrage, et puis ça va bien. On a Lino, qui est un gros centre de recherche dans la région ici, et puis qui a beaucoup de SMR, de compagnies qui viennent de Lino, ce qui aide beaucoup. Mm-hmm. Puis on a... Et puis donc, toutes ces entreprises nécessitent de la main-d'œuvre qualifiée, il faut la former. Est-ce qu'on la forme à l'Université Laval, au COPL peut-être, ailleurs au Québec? Ouais, définitivement, l'Université Laval, c'est vraiment le pilier en photonique au Canada, du côté universitaire. Et puis, on a aussi d'autres universités au Québec, comme Polytechnique, McGill, Sherbrooke. Et puis, du côté cégep, c'est principalement deux cégeps, la Pocatière et André Laurando, qui ont des spécialisations en optique photonique. Et puis, on a aussi les Moilieux et puis les Garneau qui ont aussi des cours en photonique. Donc, on essaie de mousser cet aspect-là parce que l'industrie a vraiment besoin de monde. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ben voilà, ça nous donne un aperçu global donc des activités de la lumière. On va en parler plus en détail dans les trois quarts d'heure qui viennent. Merci beaucoup, M. Corriveau. Je rappelle que vous êtes président de Photon Canada. On passe en pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on plonge un peu plus dans le vif du sujet avec les recherches au Centre d'optique photonique et laser.